طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب لي فرون نيتيا الحالة الثالثة سي صح؟ ها؟ لا ترويزيام دي سيتواسيون. فو سوبلي لا سكون أبل طيب. لا أون بارل دو سكون أبل لازم القول. سو كانكومب لا بارول. ها؟ سو كو كومبرون سيت بارول. سو كو أوبليج سيت بارول. La parole que tu vas dire. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Et ça, on a dit que dans la parole d'Allah et dans la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça, cela ne peut que dire la vérité. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Amma, inda an-nas, chez les gens, ordinaires, cela peut avoir trois possibilités. La première, haq. La deuxième, est haq. Et tu, bien sûr, tu dis oui, et je suis ce haq-là. La deuxième, c'est quoi? C'est que c'est un batil, d'accord? C'est quelque chose qui est faux. Et la troisième situation, c'est quoi? C'est que tu détailles. Tu dis, si c'est ça, oui, c'est ça que je veux dire. Et si, c'est, si ce n'est pas ça, ce n'est pas ça que je veux dire. Et tu détailles la question. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Parce qu'il peut toujours avoir une part de haq, d'accord? Dans quoi? Dans une shubha. Déjà, shubha, ça vient de quoi? Shubha, ça vient de quoi? Ça veut dire shabaha yushabbihu. Ça vient de shabaha. D'accord? Shabaha, c'est quoi? Ressembler. Taïb, pourquoi on dit d'une shubha qu'elle s'appelle shubha? Parce que tushbih al-haq. Fahimtum? Shubha. Tushbih al-haq. Elle ressemble à la vérité. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on dit en français, je ne sais pas si c'est une bonne traduction, une ambiguïté. D'accord? Mais en réalité, c'est une parole qui porte à ressemblance. Yani qui ressemble d'une partie à la vérité, mais qui a une part de faux à l'intérieur. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Celui qui arrive à détailler, extraire la vérité, d'accord, et rejeter le faux, c'est la hala thalitha. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? C'est la hala thalitha. Ça veut dire qu'il arrive à faire la part des choses. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Donc toi, dans les paroles, tu dois faire attention à cela. Soit c'est une vérité, tu dis « oui, je suis cette vérité-là », et c'est ce qu'on dira « لازم القول » ou alors « c'est faux, je ne dis pas ça », d'accord, ou alors « il y a une part de vérité, je cautionne cette part de vérité-là et je délaisse hein, cette partie qui est fausse ». Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Et ça, pourquoi il en parle, vous allez voir. Parce que des fois, dans les asma ou sifat, il y a ce genre de problématique. Vous avez compris? Il y a ce genre de problématique. Donc on était arrivé à quoi? À la thalitha, c'est ça? Hein? Et on ne l'avait pas expliqué, la thalitha. Taïb. Il dit al-hal al-thalitha an yakuna lazim maskutan anhu. Fala yadhkaru bil iltizam wala al-manaf. Hukmuhu fi hadhihi al-hal an la yunsab ila al-qa'il. Li'annahu yuhtamalu law dhukira lahu an yaltazima bihi aw yamna' at-talazum. ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن اللازم القول قول. Voilà, c'est ça. Est-ce que لازم القول قول? Ça veut dire, est-ce que ce que va impliquer ta parole, c'est forcément ta parole à toi? Non. Et c'est ça la dernière fois, pourquoi je vous ai parlé de cette règle-là. Cette règle-là, elle est utile. Elle est utile pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de frères, et ça j'ai parlé d'un problème entre les frères, ceux qui veulent rendre innovateur hein, son frère, il dit, oui mais ton qawl, ce que ça implique, ça veut dire ça. Non, il faut d'abord que je te dise, oui c'est ça. Vous avez compris? Il faut d'abord que je te dise, oui, si ça... Lui, il le dit d'abord. Il dit, ce que tu as dit, ça implique ça. D'accord? Toi, ensuite, tu dis, oui, je le cautionne. Oui, je l'admets. D'accord? C'est là que tu vas dire, hein? C'est là que tu vas dire, là, je ne prends pas... Tu vas donner le hukm à partir de ça. Vous avez compris, Inch'Allah? Tu vas donner la règle à partir de ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui est égaré ou qui n'est pas égaré, etc. Mais tant que tu n'as pas cherché sa parole jusqu'au bout, tu lui as dit hein, que telle parole... implique telle chose et que lui il a rien dit derrière cela, il est possible que il ne voit pas ce que tu dis toi, ce que toi tu penses que ça implique. Vous avez compris ça, inshallah? Et ça, wallah, si on mettait en pratique cette règle-là, on aurait largement moins de problèmes, les frères. C'est vrai, ta parole, elle peut impliquer plusieurs choses. Ouais, mais s'il veut dire ça, en vérité, le khabif, c'est parce qu'il veut dire ça. C'est vrai. Il va dire, en vérité, ça implique ça, et il veut dire ça. Non, yahi. Au moins, demande-lui. Et une fois que tu lui demandes, et il te dit, oui, moi, je cautionne ça. Oui, je le dis, je l'admets. Là, d'accord. Vous avez compris, ça, inshallah. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y a encore une rahma. Hein, il y a encore quelque chose. Non, aujourd'hui, on prend tes paroles, on dirait que c'est devenu un metn. Vous savez, c'est quoi les motoun, hein? Un metn, et on doit faire des annotations. Tiens, il a dit ça, tac. Hein, on fait un tafsir de cette parole, il a dit ça. C'est quoi ça? Hadib ça. Mais ça, c'est des frères qui. Hein, c'est l'art d'avoir toujours raison, ça. On prend tes paroles, on les découpe, et après, on fait ce qu'on veut. Taïb. Lazim al-qawl qawl. Est-ce que vous avez bien compris ça, ces ihtimalat? Ala la mafoum? Relis-le en français. Celui qui ne comprend pas, il me le dit, Inch'Allah. Le troisième cas, ce qui est impliqué doit être gardé sous silence. On ne mentionne ni on interdit l'implicite. Dans ce cas, son jugement peut être attribué à l'auditeur, car cela suppose que s'il le lui avait rappelé, il y chercherait l'implicite. Bien qu'il aurait défendu toute recherche de l'implicite. Cela suppose que s'il le lui avait rappelé, son implication et sa caducité feraient apparaître clairement qu'il doit revenir sur sa parole. Parce que l'altération du sens implicite prouve l'altération de l'origine du sens pour implicite. Oui, hein. C'est lourd. Hein. Je voulais expliquer plus simplement. Ça, ah là là. On va dire avec nos... Ah, c'est pas ça. Allah mustaan. L'altération de... Toi, je veux que tu déjà t'ailles chercher dans le dictionnaire ce qu'il a voulu dire, là. À la kulli hal, c'est ce niqash-là. Ça veut dire que tant qu'il se tait, et il t'a pas dit, oui, d'accord, ce que je veux dire, c'est ça, tu n'as pas le droit de lui dire que tu cautionnes telle chose, ou tu cautionnes telle chose, ou ça, c'est ta parole. Vous avez compris, ça, Inch'Allah? Et ça, avec ça, teslim kathir. Ça, Cheikh Al-Uthaymeen, il explique dans le charme, il dit, ça, avec ça, il y a beaucoup moins de problèmes. Les ihtimalat. Les ihtimalat, c'est quoi? C'est la possibilité que cette parole veut dire telle chose. D'accord? Tant que moi, je ne l'ai pas dit ouvertement, d'accord? Ben, tu ne peux pas dire que ma parole, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. C'est aussi simple que ça. Et avec ça, il y a moins d'ishkal, walillahi alhamd. Vous avez compris, ça, Inch'Allah? Et là, dans un iqash, il te dit... Dans un iqash entre un jahmi et un sunni, il vient te dire, mais si tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-dessus de son trône, hein, cela veut dire que telle chose, telle chose, telle chose. Et là, il te ramène quoi? Ce qu'on appelle le lazim al-qawl, hein, ce qu'implique cette parole-là. Tu lui dis non. Tu dis, moi, j'ai jamais vu Allah. D'accord? Lui, ils disent des trucs graves que j'ai pas envie de dire. Ils te disent oui, ça veut dire que Al-Muhim, une des choses qu'ils ont dit, hein, c'est comme si tu attribues à Allah un corps, d'accord, et qu'il fasse telle chose, et qu'il y ait un mouvement, etc. Attends. Moi je ne sais pas comment il est Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah il dit, laysa kamithlihi shay. Pourquoi toi, tu viens dans un contexte, hein, d'invisible, j'ai envie de dire. Oui, c'est l'invisible. Ça fait partie de l'invisible ou pas? Ça rentre dans la science de l'invisible. Pourquoi dans ce contexte-là, tu me dis, ça implique? C'est parce qu'en vérité, lui, il s'est imaginé quelque chose, et lorsqu'il s'est imaginé quelque chose, c'est-à-dire un dieu, hein, lorsqu'il s'est imaginé un être, taïeb, forcément, il est tombé dans quoi? Dans cette erreur. C'est pour ça que les ulama, ils disent que le mu'attil, c'est le négateur. Le mu'attil, ou le jahmi, hein, c'est eux les négateurs. Le mu'attil, d'abord, il a imaginé. Lorsqu'il a imaginé, il a pensé que c'était quoi? Forcément un teshbih. D'accord? Il a fait le teshbih. Et pour s'écarter de ce teshbih, il a fait du tenzih. Il a rejeté, hein, tous les noms et les attributs. Vous avez compris ça, Inch'Allah? En vérité, nous, Allah subhanahu wa ta'ala, le texte, il dit « Laysa kamithlihi shay ». Taïeb, nous, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit voilà, Allah subhanahu wa ta'ala yanzil, Allah descend, Allah a deux mains, Allah ceci, Allah cela. Yani, on remet les choses dans son contexte, qu'est-ce qu'on dit? Nous, il n'y a pas cette imagination d'un être. D'accord? Il n'y a pas cette imagination. Directement, on a un autre texte qui nous bloque, qui nous stoppe. Vous avez compris? Et donc, on ne va pas plus loin. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Eux, non. Ils sont partis à travers le... Ils ont cette rempart-là, ce stop-là, ils l'ont. Hein? Ils sont passés dessus. Ils ont cassé cette porte-là. Et ils ont dit non. Vous savez pourquoi ils ont dit non? Hein, je vous pose la question maintenant. Et là, c'est là que tu vas savoir la subtilité dans les Asma aussi faites. Pourquoi ils ont dit non? Pourquoi ils ont renié? Ouais. C'est à cause du fait qu'ils se sont... Oui, mais pourquoi ils se sont imaginés? Pourquoi ils sont rentrés dans ça d'abord? Ils se sont demandé comment? Oui, mais pourquoi? Pourquoi ils se sont demandé comment? Hein? La mauvaise pensée. Fassad al-aql. T'es proche. Le fait d'avoir eu des mauvaises pensées. Non, parce que... Non. Presque, vous êtes presque. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous, tout au début, dans l'introduction, on vous a parlé de quoi? On vous a parlé de ta'arud al-aql wa al-naql. Hein? La contradiction qu'il pourrait avoir entre le aql et quoi? Et le naql. Le naql qui sont les textes. Et on a dit qu'il est impossible qu'il y ait une contradiction entre quoi? Entre un bon aql, une bonne raison, et quoi? Et les textes. Vous vous souvenez de ça? Taïb. En réalité, ces gens-là, ils ont regardé les textes, je dis bien, les textes qui élogent le aql, et de cette manière-là, ils ont mis l'aql, quoi? Au-dessus des textes. Vous avez compris? Taïb. Donc, lorsque les textes sont venus sur quoi? Sur les asma ou sifat, ils ont dit, notre aql, il ne peut comprendre que ça. Vous avez compris? Notre aql, il ne peut comprendre que le tashbih. Il ne peut comprendre que la ressemblance. Vous avez compris? C'est un peu la philosophie. Vous avez compris, Inch'Allah? Donc en fait, il est là le problème. L'imagination, comme tu as dit, elle vient de ça. Tu as compris? L'imagination, le texte qui est Laïsa Kamitlihi Shay, ils l'ont oublié. Ils l'ont mis de côté et ils ont dit notre aql, il est au-dessus de ça. On doit le comprendre comme ça. Vous avez compris, Inch'Allah? Ils ont poussé un peu l'aql trop. Un peu trop loin, jusqu'à s'imaginer un être. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Et lorsqu'ils se sont imaginés un être, il dit, on ne peut pas faire ressembler Allah aux mawjoudat. Aux mawjoudat qui sont les créatures, les choses qui sont, qui existent, les choses qui existent. Vous avez compris? On ne peut pas faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à cela. Et Al-Sunnah, comment ils leur répondent? Ils leur disent, Al-Sunnah, ils disent, Al-Mawjoudat existe, mais Allah existe aussi. Mais est-ce que l'existence d'Allah est la même que l'existence des Mawjoudat? On leur dit, non, khalas, on s'arrête là, vous avez compris, Inch'Allah. Et après avoir fait ressembler à Allah, subhanahu wa ta'ala, ou plutôt avoir dit que Allah ressemble, et une fois il y avait un iqash avec Cheikh Al-Uthaymin justement sur ça, ils disent, s'ils viennent et ils te disent que dire qu'Allah a telle sifa et telle sifa, d'accord, c'est comme si tu le faisais ressembler au mawjoudat. Et Cheikh Al-Uthaymin, ensuite la personne elle répond, elle lui dit, Cheikh Al-Uthaymin répond, il dit, d'accord, alors qu'est-ce qu'on fait? Il lui dit, on ne thbet pas. C'est-à-dire, le négateur, il va dire quoi? Il va dire, on rejette ces textes-là. Il dit, oui, mais si tu rejettes ces textes-là, ça veut dire que tu as fait ressembler Allah au quoi? Au ma'doumat. Ma'doumat qui sont les choses qui n'existent pas. Donc, soit ça existe ou soit ça n'existe pas. Vous avez compris, Inch'Allah? Vous avez compris ou pas? Et c'est là que vous allez... Regarde, retiens ça. Mawjoudat, ma'doumat. Et là arrive le troisième. Il vient et te dit, non, dans ce cas-là, on ne peut pas. D'accord, vous ne pouvez pas. Vous avez fait ressembler Allah à quoi? aux ma'doumat, aux choses qui n'existent pas. Le négateur dit, non, pas ça non plus. Taïm, il lui dit, alors quoi? Vous avez ressemblé Allah à qui? À quoi? Il lui dit, ni ma'doum, comme disent les Jahmiyyah, les Habash, etc., ni ma'doum, ni ma'oujoud. Ni ma'doum, ni existant, ni inexistant. Taïm, l'Uthaymin, après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, idhan, shabbahtumuh bimada. Bi al-mustahilat. Il le lâche pas, hein, Charles Azemi. Il dit donc, vous l'avez fait ressembler à qui, Allah subhanahu wa ta'ala, aux impossibilités, à quelque chose qui est impossible. Parce qu'une chose, soit elle existe, soit elle n'existe pas. Elle ne peut pas être entre exister et en même temps ne pas exister. Ça, c'est de la falsafa, ça. Ça, pourquoi je dis que c'est de la falsafa? Parce que ça, on peut se l'imaginer dans notre tête. Ça, là, là. Dans notre tête, on peut tout s'imaginer. On peut s'imaginer le moustahil, c'est vrai ou c'est faux? On peut s'imaginer n'importe quoi dans notre cerveau. Mais est-ce que ce qu'il y a dans notre cerveau et yani, ce qui est imaginable dans notre cerveau, est-ce qu'on peut le mettre en application plutôt, sortir les choses qu'il y a dans notre esprit et dans notre intellect, est-ce qu'on peut les ressentir ou est-ce qu'elles peuvent exister en dehors de notre cerveau? Est-ce qu'elles peuvent exister? Non! Vous avez compris ça, Inch'Allah? C'est pas possible. Regardez, c'est pas de la falsafa, ça. Et c'est avec ça qu'ils se sont égarés. Donc toi, tu lui dis, écoute, t'es dans trois cas. Mawjoudat, ma'doumat, mustahilat. T'es dans lequel? Et regardez, et c'est pour preuve, hein, Al-Jahmiyyah des Ahbash, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, Allah n'est ni à l'intérieur du kaoun, ni à l'extérieur. Alors nous, on dit juste, Allah, il est fils sama, et khalas, on s'arrête là. Ahl al-Sunna, on dit Allah il est fils sama, mais ma'na fawq al-alim. Sahih ou la? Khalas, on s'arrête là. Eux ils disent quoi? Ils disent Allah il est ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, ni à droite, ni à gauche, ni ceci, ni cela, ni en dessous, ni au-dessus. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu lui donnes un lieu, etc., etc., etc. Vous avez compris? Eux, ils se sont imaginé quelque chose, un être. Et alors, ensuite, ils ont. Sont venus avec ce néant, parce qu'en vérité, hein, beaucoup de savants de parmi les salafs, ils disent, si tu veux qualifier le néant, tu ne le trouveras pas mieux que chez les djihmites. Hein, tu veux dire, si tu veux bien qualifier le néant et détailler le néant, tu ne pourras pas mieux le trouver que chez les djihmiyas, hein, lorsqu'ils qualifient Allah ou lorsqu'ils attribuent à Allah des attributs. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Et je répète encore cette règle, Allah subhanahu wa ta'ala, la négation qu'il a donnée, laysa kamithlihi shay, elle est globale, elle est générale. Par contre, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des noms et des attributs, ça il l'a détaillé ou il l'a pas détaillé? Wa huwa as-sami' al-basir. Eux ils ont fait le contraire. Ils ont fait quoi? Ils ont détaillé quoi? La négation, d'accord? Et ils ont dit, et ils n'ont pas détaillé, c'est-à-dire l'affirmation, en faisant une affirmation générale, Allah existe. Voilà, ils ont dit Allah existe. Walakin. Voilà. Et là, ils ont commencé leur nafi. Mais il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Fahimtoum ya ikhwan? Les Jahmiya, c'est des kuffars. Hein. Faut pas avoir de doute sur eux. Mais bon, le fait qu'ils s'y aient attribué, on va dire, le titre de musulmans, où ils ont dit que c'était des musulmans, c'est par rapport à cela qu'on dit que c'est une secte islamique. Mais sinon, leur aqidah, c'est une aqidah de kuff. العلماء كفر الجهمية فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لازم أن يكون قولا له لأن ذلك هو الأصل ولا سيما مع قرب التلازم قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية خارجية توجب الذهول عن اللازم فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات في غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك الله اكبر عجيب والله c'est très والله si seulement les frères ils appliquaient cela Lili, tu vas voir. Ouais. À partir de là, vous allez comprendre. Hein? La proximité de quoi? De voilà, de l'implication, de ce que peut impliquer cette parole. D'accord? Il y a une proximité, mais regardez ce qu'il va dire là. Il est tenu pour acquis que l'homme est humain et possède des états d'esprit et des états qui engendrent la confusion vis-à-vis du sens nécessairement impliqué. Il peut être inattentif, étourdi. Sa réflexion peut être verrouillée ou bien il peut prononcer une parole dans l'incommodité d'une controverse. Taïb, taïb. Bon, je vais vous l'expliquer avec d'autres mots. Hein? Vérité veut te dire pourquoi maintenant on excuse cette personne-là et on ne dit pas directement que cette parole, c'est ce qu'il a voulu dire. D'accord? Que cette parole-là, là, que ce que implique cette parole-là, ça veut dire telle chose, ça veut dire telle chose. C'est ce qu'on appelle tulzimuhu. Yani tu l'obliges. Tulzimuhu biqawlihi. Tu l'obliges par cette parole. Vous avez compris, ta parole, elle implique telle chose. Pourquoi nous, maintenant, on a de la retenue par rapport à ça? C'est ça qu'il veut te dire, Cheikh Al-Uthaymeen. Vous avez compris? Il te dit pourquoi? Parce que des fois, il est étourdi. Des fois, il dit une parole, il ne fait pas attention à ce qu'il a dit. Des fois, il est dans un dhiq. C'est-à-dire, il est dans une situation qui n'est pas... Hein? Qui n'est pas... Hein? Oui, c'est pas une situation normale. C'est-à-dire, il est dans un endroit, dans un truc, il va dire une parole, peut-être des fois pour, hein, peut-être même pour faire plaisir, peut-être même pour, ou alors peut-être qu'il a reçu, il a ressenti, comme il a dit, là, une incommodité, c'est ça, Taïb, hein, que le hal, la situation, ma yasmah. Vous avez compris, inshallah. Par exemple, il sait qu'il y a des gens qui peuvent comprendre telle chose de cette manière-là, alors il détourne avec quoi? Avec une autre parole. Vous avez compris, inshallah. Vous avez compris? Taïb. Donc, suivant les halats de l'insan, suivant les halats de l'être humain, hein, c'est ça qui va nous faire patienter et nous dire que, alhamakallah, et nous dire que peut-être que sa parole n'impliquait pas cela. C'est vrai ou c'est faux? Tu vois, quand tu prends toi la défense d'un de tes frères, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, oui, mais il faut voir ce qu'il a dit juste avant, il faut voir ce qu'il a dit après, il faut regarder le contexte. Est-ce qu'il était énervé? Est-ce qu'il était en colère? Est-ce qu'il ne lui était pas arrivé quelque chose ce jour-là? C'est vrai, c'est faux. Ben, de la même manière que lorsqu'il y a un iqash, hein, ou un débat entre un mubtadi', un négateur, et un sunni, il ne peut pas venir et te dire, oui, cela implique telle chose et cela implique telle chose. Vous avez compris, inchallah? En fait, il te donne une règle dans le aql qui est quoi? Qui est que lazim al qawl laysa bi qawl. Retiens cette parole. Lazim al qawl laysa bi qawl. Une parole, hein, qui implique quelque chose n'est pas forcément ta parole. Une parole qui implique quelque chose n'est pas forcément quoi? Hein? Oui, tafadhal. Elle a besoin d'une preuve, elle a besoin du détail de la personne. C'est-à-dire que la personne, au moins, qu'elle montre. Voilà, c'est ça. Imagine-toi, toi tu me dis, voilà, par exemple, tu viens, tu me dis, Allah il est partout. Moi je te connais, attention, moi je te connais, je sais que tu es un sunni. Taïb, tu me dis, Allah il est partout. Au minimum, je vais te dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est vrai ou c'est faux? Au minimum, je dis ça. Bah, qu'Allah, il est partout. Tu rajoutes. Tu dis, Allah, il est partout. C'est-à-dire, il n'est pas au-dessus de son trône. Tu dis, non, il n'est pas au-dessus de son trône. Là, ça y est. Là, ça y est. Là, ça y est, c'est l'i'tiqad, hein, batil et fasid. Tu as compris? Taïb. Maintenant, si tu me dis, Allah, il est partout. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu me dis, Allah, il est partout dans le sens où, dans le sens avec sa science. Allah, il est partout avec sa science. Ah, là, je te dis, ah, d'accord. Allez, tu as compris? Taïb. Quoique, des fois, il arrive que la parole, elle est claire aussi. Et qu'on demande de corriger la parole quand même. Vous avez compris, inshallah? En fait, quand on dit qu'une parole implique une autre chose, c'est que déjà, elle n'est pas claire. Vous avez compris, inshallah? Donc celle-là, elle est un petit peu claire. C'est juste parce qu'elle est vraiment claire. Allah, il est partout. Hein, quelqu'un il vient te dire, Allah, il est partout. Là, c'est khatir quand même. C'est dangereux. Vous avez compris, inshallah? C'est dangereux, quelqu'un qui dit qu'Allah, il est partout. Là, c'est juste parce qu'il est quoi? Il est sunni que je dis ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors moi, je me certifie de son i'tiqad. Vous avez compris ça, inshallah? Maintenant, si quelqu'un il vient, comme ça, donc, Allah il est partout, il insiste, Allah il est partout, Allah il est partout. Là tu peux dire, ah, en vérité, lui, celui-là n'a pas l'i'tiqad que Allah il est fils sama. Vous avez compris ça, inshallah? Donc tout va suivre selon le contexte. Il faut absolument voir à la personne qu'est-ce qu'elle veut dire par là. D'accord? Sauf si sa parole elle est claire. Allah il est partout, bon, c'est peut-être un mauvais exemple, mais avec un sunni c'est un bon exemple. Vous avez compris? Avec un sunni c'est un bon exemple. Et avec ça, tu es tranquille. Ça veut dire que demain, même un sunni, t'entends une parole de lui. Tu ne vas pas la hammel, tu ne vas pas la porter, tu ne vas pas la comprendre comme un moubtadi'. Comme la comprendre d'un moubtadi'. Un sunni qui vient qui te dit Aïcha, hein, mashallah, c'était la femme du prophète, a.s.w. Mais quand même, il s'était passé une fitna hein, à l'époque, il disait ça. Bon, le Mohim, il raconte un petit peu l'histoire. D'accord? Il veut raconter l'histoire de ce qui s'est passé avec Aïcha radiallahu anha, mathalan, un sunni. En général, un sunni est adab, d'accord? Mais il a dit une petite parole qui n'était pas dans son contexte. Tout de suite, on le corrige là. Nous, on le corrige, mais on va lui dire ça veut dire ça. Ça, fais attention, ça implique ça. Vous avez compris? On va essayer de le corriger, on va rafistoler ses paroles s'il a dit des paroles qui ne sont pas dans son contexte. Un sunni. Maintenant, un chi'i vient te parler sur Aïcha. Et puis, hop, il laisse une petite parole ici. Et il laisse une petite parole là, et il laisse une petite parole ici. Qu'est-ce qu'on fait? Là, tout de suite, on dit déjà, lui, Aslan, il est khabith. C'est un chéri. Et en vérité, il a voulu dire ça, quoi. Il a voulu faire le mal. Vous avez compris, Inch'Allah, il a voulu faire le mal. Ça veut dire qu'on va juger de par rapport aussi à la personne. Qui est la personne qui dit ça? Vous avez compris, Inch'Allah? On regarde ses osoul, on regarde ses bases, on regarde ça, et ensuite, on peut établir un jugement. Ça, bien sûr, c'est hors contexte maintenant par rapport à ce qu'on vient de dire. Mais voilà. Donc, tu dois lui demander, tu dois lui dire, est-ce que ça, c'est ta parole ou pas? T'as compris? Mafou? Surtout quand tu es dans un quoi? Dans un iqash. Vous avez compris? Inch'Allah. Hada laboud. Sinon, les gens, après, khalas, c'est tous des moubtadi'. Ah, c'est tous des ceci, c'est tous... Oui, moi, j'ai entendu telle chose. Les gens, des fois, il est jahel aussi. Faut lui bayin. Des fois, il a une choubha. Faut lui montrer. Vous avez compris, Inch'Allah, et voilà. Et ensuite, on fait l'établissement de la preuve, et Inch'Allah, ta'ala, il n'y a pas de mal. Est-ce que vous avez bien compris cette règle? Mafoum hada? Taïb les halat, donc on résume. Hein? La parole, elle implique telle chose, et tu dis oui, je dis ça. D'accord? Mais là, bien sûr, on ne parle pas de sunna bid'a. Là, on n'est pas en train de parler de sunna bid'a. Là, on revient sur le livre, les frères. Je vous ai juste dit de profiter de la hala thalitha, c'est-à-dire la troisième situation, qui est que la personne s'est tue. Il a entendu une parole et il s'est tue. Mafoum ? Est-ce que forcément, hein, ce qu'il a dit, ce que l'autre a dit, il le cautionne ? Non, pas forcément. Il est possible que quoi ? Il est possible qu'il ait voulu dire telle chose ou telle chose, et ensuite, c'est-à-dire on demande quoi? On demande des détails, on nous dit pourquoi tu as dit ça, ou qu'est-ce, et sache que cela implique cela. S'il te dit oui, moi je suis, voilà, c'est la première situation. La deuxième situation te dit non, ça c'est faux, d'accord? Et la troisième situation te dit oui, ça c'est une part de vérité, et ça c'est faux. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc voilà, toujours les halates. Et ça s'appelle ce qu'on appelle l'istiqra. L'istiqra, c'est l'analyse complète. Ça veut dire qu'on analyse toutes les situations possibles avec le aql, par le procédé d'élimination, par ce que tu veux, d'accord? Avec le aql. Et ensuite, on établit des règles. Comme ça, toi, quand tu es dans le niqash, tu sais comment parler avec des gens. Oui, ma parole implique telle chose et je le cautionne. Non, ma parole ne veut pas dire ça. Moi, mon qasd, c'était ça. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Mais ça, Inch'Allah, avec le mumarasa, avec l'exercice, et c'est là que tu profites des rodoutes. C'est-à-dire, quand tu regardes les rodoutes, ilmi, je te parle bien des répliques scientifiques, sur des sujets, souvent tu verras quoi? Tu verras que le alim, comme on a dit avec Cheikh Al-Uthaymin ici, Cheikh Al-Uthaymin a parlé avec un négateur. Donc il a imaginé un discours avec un négateur, et il nous le dit, moi je l'ai entendu dans Sharh Al-Nuniya, il dit, regardez, ils disent « Mawjoudat ». Si vous dites ça, c'est que vous l'avez fait ressembler au Mawjoudat. En fait, il t'a donné pareil. Il s'est imaginé un discours, trois situations. Est-ce qu'il y en a une quatrième? Moi, je vous pose la question. Est-ce qu'il est possible de trouver une quatrième? parce que soit c'est mawjoud, soit c'est pas mawjoud, ou soit khalas, c'est l'impossible. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Vous avez compris? Tayyib. Par exemple, dans Tahawiyya, il y a une question où les falasifas, regardez ce qu'ils ont sorti les falasifas, ils ont dit, est-ce qu'Allah est capable de quoi? De créer un être comme lui. Regardez le falsafa. De créer un être comme lui, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, est-ce qu'Allah est capable de ça, yani? Voilà, c'était ça la question. Mais aslan, cette question, elle sert à rien. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, قُلْ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهِ لَا فَسَدَتَ. S'il y avait un autre Dieu, à part qui? À part Allah, il y aurait eu le chaos. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc, puisque il y a le chaos, à partir du moment où il y a une autre divinité qui a, on va dire, la même force, hein, si on peut se l'imaginer, nous, dans notre cerveau, je le dis bien encore une fois, dans notre intellect, dans notre esprit, on peut l'imaginer, c'est vrai ou c'est faux? On peut imaginer hein, cette chose-là. Mais en vérité, tu ne peux pas te l'imaginer. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. À partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit, s'il y avait une autre divinité comme Allah, il y aurait eu le chaos. Donc à quoi ça sert? À quoi ça sert de sortir des questions comme ça? Vous avez compris ça, Inch'Allah? Je dis non, mais c'est juste pour venir à Inna Allah ala kulli shayin qadir. Ils ont philosophé sur ça. Vous avez compris? Ils ont dit Inna Allah ala kulli shayin qadir. Est-ce qu'il est qadir Allah de créer un être comme lui? Vous avez compris la falsafa, comment ils ont fait? Et nous, on leur répond comment? On leur répond, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a répondu à cette question-là, sur l'histoire d'un être, hein, d'une autre divinité. Il a répondu déjà. Subhanallah al-Azim. Il a répondu, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que hein, cela est impossible. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout créer. Inna Allah ala kulli shayin qadir. Allah fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Mais les choses qui ne sont pas mustahil, dans le sens où nous, dans notre cerveau, on peut s'imaginer quelque chose qui existe et qui n'existe pas dans notre cerveau. Mais est-ce que, comme ça, devant nous, on peut s'imaginer quelque chose qui existe et qui n'existe pas? Ou qu'Allah peut créer cette chose-là? Vous avez compris? Ça, c'est un mustahil. Le mustahil, tu ne peux pas. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Ils sont rentrés dans cette falsafa. Donc, en vérité, à partir du moment où il n'y a plus de faïda, il n'y a plus d'utilité, hein, il n'y a plus d'utilité à parler d'une chose ou d'un sujet, comme celui-là, là, dans Inna Allah ala kulli shayin qadir. Ils ont dit oui, mais Allah ala kulli shayin qadir, et ils ont sorti cette question-là. Nous, on leur dit arrêtez-vous. Allah a déjà répondu à cela. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Taïb. Et ça, c'est un rad aussi sur les kuffars qui viennent, qui veulent mettre des doutes sur Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, souvent, le dit dans le Coran, et s'il y avait plusieurs dieux, hein, il y aurait eu le chaos. Pourquoi? Ah, je vous pose la question. Parce que, et voilà, automatiquement, il y aurait eu une lutte. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Il y aurait quoi? Il y aurait une lutte, il y aurait eu un combat, il y aurait eu telle chose. Il y aurait... Voilà pourquoi, parce que, hein, il ne peut pas y avoir plusieurs dieux. Et subhanallah, dans la philosophie grecque, hein, quand il nous l'apprenait quand on était petit, il nous apprenait cela. Mais moi, je n'arrivais pas à comprendre. Pourquoi? Parce qu'on me disait, alors lui c'est le dieu des éclairs, lui c'est le dieu de l'amour, lui c'est le dieu de trucs. Et tu dis, mais en vérité, chacun a besoin de l'autre. Chacun a besoin de telle chose, mais l'autre s'il a la puissance de telle chose, pourquoi il tue pas l'autre? Voilà, c'est ça que tu te poses comme question. L'autre il a la puissance des éclairs, l'autre il a la puissance du feu, mais pourquoi il tue pas l'autre? C'est vrai ou c'est faux? Tout de suite tu t'imagines ça. Tu t'imagines un combat directement. Hein, ça là. Hein, ils se battaient ouais, en plus, hein, dans leur philosophie. N'importe quoi. Mais... Ouais, mais Dieu de Dieu, mais même lui, à la fin, c'était pas... Hein? À la fin, lui aussi, hein? Zahma, il te ramenait un autre Dieu qui avait lutté contre ce Dieu-là, ou qu'il l'avait eu sur quelque chose. Il y avait toujours des dieux à défaut. C'est plus un Dieu. Ou alors, cette parole qu'on entend des fois, c'est un demi-dieu du foot. Audubillah, demi-dieu. Vous entendez cette parole des fois? Ces gens-là, c'est des demi-dieux. Ouais, un dieu tout court. Lui, c'est le dieu du foot, le dieu de telle chose. Ça, c'est grave, ça, les frères. Ça, a'udhu billah. Vous imaginez, Allah musta'an. Khair, inshallah. Allah, la aqidah, Allah musta'an.